le retour qui fait plaisir. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Jugez-moi coupable, l'émission qui défend les films indéfendables, une émission enregistrée le 17 décembre 2020, soit 5 mois après la première de Jugez-moi coupable. Alors, d'avance, désolé parce qu'on n'a pas trop respecté notre promesse qui était de faire une émission par mois, mais on va être transparent hein, puisque on a eu du mal à revenir, enfin j'ai eu du mal à revenir, hein, j'en assume pleinement les conséquences. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir été poussé par Axel, qui à chaque fois me harcelait de messages tous les soirs en me disant « Mais Morgane, mais revenons pour un Jugez-moi coupable numéro 2, les gens attendent ça. » Et non, bah, y avait un peu de paresse de ma part, beaucoup de peur aussi, puisque la présentation, c'est un exercice avec lequel je suis pas le plus à l'aise encore actuellement. Hein. Je suis en pleine crise de tachycardie, voire même au bord de l'arrêt cardiaque, clairement. Non, mais... Donc si je décède en pleine émission, non mais... Tout va voilà. Bien, ouais. Tout va ouais. Bien, pas de soucis. Ah. On est ensemble. Voilà. C'est tellement relaxant d'entendre ça. C'est, voilà. Bon, bah, du coup, bah, moi, c'est Morgane. Hein, vous m'avez sûrement reconnu. Et vous avez sûrement reconnu la douce voix d'Axel, le digne fondateur de Movies Nerd qui m'accompagne. Qui m'accompagne volontiers hein, bah, sur ce tout nouveau émission. Concept d'émission. Ouais, ouais voilà. Non, ça fait plaisir. Le premier a bien marché. On a eu pas mal de retours. On a eu des bons retours. Ouais, c'est on vrai. On va parler des résultats juste après, des résultats du concours. Mais ouais, on a eu des bons retours de pas mal de gens. Donc on est plutôt content de cette première émission. C'était un peu un test hein, clairement. Mais ouais, c'est un baptême du feu. C'est une émission que j'ai pas arrêté de réécouter parce que bah je me suis dit il y a peut-être des trucs à corriger. Mmh. Voilà, c'était un premier jet. On verra si le deuxième est. Oui, non, mais moi je pense que ça va ne faire que s'améliorer. Hein. De toute façon. C'est... Ah mais de toute façon, je pense que d'ici un an, on a niqué tout le YouTube ciné quoi. Clairement, on est parti pour aller très loin. Hein, voilà. On verra pour ça. Ça je sais pas. Mais tremble, dit Rendal. Tremble. Voilà, non, on est tous ensemble. Ne vous inquiétez pas. voilà, non, ça fait plaisir de revenir. Et puis, c'est clair que ça fait 5 mois, comme tu as dit. 5 mois. Donc, mais là, de toute façon, hein, on va s'y tenir. Maintenant que c'est fait, que je me suis forcé un petit peu à revenir. Quand je dis je me suis forcé, attention, je viens avec plaisir. Oui, hein, je reviens avec plaisir. Je ne l'ai pas forcé. Non, mais je rigole, attention. On va s'y tenir. On fait une émission par mois. Donc, puis il y a eu les vacances, il y a eu la rentrée. Alors, on espère que vous avez passé des bonnes vacances d'été, oui, aussi, que vous avez eu une bonne rentrée, et quoi d'autre ? Un bon Halloween aussi. Ouais. Voilà. Bon, si vous avez... On fera une émission au mois d'avril pour savoir si vous avez passé un bon Noël. Ouais, aussi. Voilà. Ouais. Bon, après, on n'a pas été absent totalement, on a fait des émissions pour Halloween aussi. Donc voilà. Ouais. Et d'ailleurs, prochainement, ou si c'est déjà sorti peut-être, vous pouvez écouter un Movies Nerd hors série saga sur Retour vers le futur qu'on a fait ensemble avec Morgane et avec Eddie. Donc voilà, je fais un petit. J'espère qu'Eddy viendra aussi. Ouais, Eddy, je pense qu'il viendra aussi présenter un ou plusieurs films qui lui sont chers, mais qu'il doit défendre. Hein, clairement, c'est. Et même si certains d'entre vous ont envie de venir, papoter avec nous de petits plaisirs coupables, allez-y, hein, venez, vous êtes les bienvenus. De toute façon, hein. On vous rappellera les réseaux sociaux et puis les adresses mail où vous pouvez nous contacter, etc. pour demander à participer. On lira tout ça avec plaisir et. Ouais, vous envoyez vos CV, vos lettres de motivation. Sachant qu'on a déjà quelques personnes qui sont déjà programmées, donc c'est cool. Là, on fait un deuxième épisode à deux, tranquille, parce que... Ouais, on y va pépère, là. Fallait se remettre en marche, quoi, pour cette émission, parce que c'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, hein, c'est pas... C'est un autre concept, une autre ambiance, tout ça. Ouais. Et d'ailleurs, bah justement, comme on est au mois de décembre, on revient pour une émission un peu spéciale, puisque bah, vous savez que c'est Noël bientôt. Hein. Ouais. Voilà. Et des plaisirs coupables de Noël, je suppose que tout le monde en a. Ouais. Donc voilà, comme c'est une période de cadeaux, de bonbons, de chocolat, tout ça, bah, on a aussi des petits films sympas à vous recommander ou... Voilà, enfin peut-être des films que vous avez déjà vus, je pense pour la plupart. Oui, hein. Notamment un, ouais, il y en a un, je pense que tout le monde l'a vu. Ouais. Mais en tout cas, voilà, on a aussi à Noël nos petits films, nos petits plaisirs coupables qu'on adore et on va se faire une joie de discuter de tout ça avec vous. Et juste avant qu'on passe aux résultats de la première émission, je voulais juste rappeler, enfin non pas rappeler, mais je me suis rendu compte de ça en parlant des films. Plaisir coupable de Noël, c'est... Enfin, déjà, les films plaisir coupable, souvent, c'est des films d'enfance. Mais plaisir coupable de Noël, c'est quasiment tout le temps des films d'enfance, en fait. J'ai l'impression que c'est très peu des films qu'on a découverts récemment, quoi. sauf cas exceptionnel. Voilà. Oui, parce que voilà, c'est la nostalgie quoi qui C'est part. ça. Mais même, je pense au sens large, le plaisir coupable, il y a aussi un rapport à la nostalgie, hein. Je Oui, pense qu'il y a c'est plein de clair. films qu'on aime parce qu'on les a vus quand on était petit. Voilà, Enfin, et c'est la voilà. période aussi autour qui joue pas mal sur notre appréciation du film. Mais bon, voilà, c'était juste pour rappeler un peu tout ça. Et Et bah du coup, bah j'ai envie de dire, on est parti. ouais. Donc on se retrouve tout de suite pour. Ah, une petite chute de micro. On se retrouve tout de suite du coup pour le résultat des votes sur les films qu'on a évoqués au mois de juillet, puisque bah justement le concept c'est ça, hein, c'est que les films qu'on présente, on organise un vote sur Twitter pour que vous puissiez juger et déterminer si les films sont coupables ou non coupables d'être des mauvais films. Donc on va voir ça dans un instant. Et donc on se retrouve pour la deuxième rubrique qui est donc le verdict que vous avez rendu par rapport aux films qu'on a évoqués au mois de juillet dernier. Alors on va les reciter. Donc il y avait Resident Evil, C'est ça. Ma femme s'appelle Maurice, Les Bronzés 3, Amis pour la vie et Un Daredevil. beau programme. Donc un bon programme, ouais. Mais vous n'avez pas été très gentil sur les votes, hein, j'avoue. Ouais. Vous êtes lâchés. Mais bon, on respecte la démocratie. Voilà, c'est. On commence dans l'ordre, donc Resident Evil, vous avez voté 59,7% coupable, voilà, d'être un mauvais film. Je suis désolé Polo, hein. Deuxième film, on avait parlé de Ma femme s'appelle Maurice, donc lui aussi, Ouais. vous l'avez jugé coupable, à Aussi. 63,2%. Troisième film, et là, bah, on peut dire que C'est c'est un écrasant. échec cuisant, ouais, bah, ça, je m'y attendais évidemment, hein, je suis un peu seul sur ma barque avec ce film. Les Bronzés 3, Amis pour la vie de Patrice Lecomte, coupable à 78,9%. Vous vous rendez compte? Vous êtes sans pitié avec ce film, hein, mais peut-être Je on pense que refera une c'était chronique peut-être dans le 10 film ans. que les gens avaient le plus vu dans tous les films dont on a parlé. Enfin, c'est Je pense que Resident Evil est assez aussi. Ouais, mais c'est vraiment le film populaire par excellence, Les Bronzés 3, et du coup, je pense que c'est un film qui a. Et le film détesté Ouais, aussi, parce c'est un qu'on va film qui pas est se détesté par mentir, beaucoup de monde. je vois bien que les gens ne l'aiment pas. Et enfin, le dernier film qui a Ah. trouvé grâce à vos yeux, qui est Voilà, Daredevil. et là, je suis Voilà. content, même si. Voilà, Daredevil, c'est le seul film que. Enfin, c'est. Des quatre films qu'on nous a présentés, c'est le seul qui est resté. Et c'est celui que tu as évoqué, donc je Voilà. pense que tu as plus un pouvoir de persuasion que moi, Ouais, donc j'ai essayé je en tout pense. cas. Après, il y a eu Ouais. une hype Daredevil, faut pas le cacher. Il y a eu. Oui, je pense que les gens le Voilà, c'est réhabilitent, ça. peut-être, Donc, ouais. du coup, j'avais pas trop. Enfin, ma tâche n'était pas si ardue que ça. N'était pas défendre Les Bronzés 3, qui est plus difficile quand même. Aux yeux des gens, je veux dire. Parce que moi, j'aime bien ce film, comme je l'ai dit durant la première émission. Donc voilà. Oui, mais beaucoup de toute façon adorent Daredevil, ça c'est clair. Voilà. Voilà. Bah, on l'a vu, hein, donc c'est le seul film qui. Vous l'avez acquitté celui-là, Voilà. donc bah. Il va sortir de prison, du coup. Voilà, ça y est. Donc Daredevil, grâce à nous, est un film réhabilité. Voilà, on a fait des choses de bien en Exactement. 2020, on a Ouais. réhabilité Et Daredevil. voilà, Voilà. c'est gravé dans la roche. Hein, c'est Ah bah, ce ça y qu'on est, fait dans ce on ne peut plus parler de podcast. plaisir coupable maintenant Voilà, quand on parle de Daredevil, si c'est un c'est bon fini. film. Voilà. Voilà. Donc voilà. Et bah du coup, bah, on se retrouve pour la troisième partie, pour bah, l'audience des films. Voilà. Et donc on se retrouve dans cette troisième partie. Et alors aujourd'hui, pardon, dans cette émission, on va parler de trois films. Normalement c'est quatre, hein, mais là du coup, parce que des plaisirs coupables de Noël, bah, on en a, mais finalement pas autant Moi, je m'en réserve pour que. l'année prochaine, hein, clairement. Ah d'accord. Non mais moi j'en ai pas trouvé tant que ça. J'en ai trouvé, bah, en fait on a un film chacun Ouais. plus un autre film en commun. Donc bah du coup c'est moi qui vais commencer. Je me permets, c'est mon émission, voilà. Mais là. Puisque moi je vais vous parler. Alors je vais vous donner le titre VO et vous allez comprendre un peu, voilà. Donc je vais vous parler de Home Alone 3. Plus connu en français sous le titre de Maman, je m'occupe des méchants, sorti bah, le 17 décembre 97. Ah, C'est pas beau ça. Jour de l'en... Enfin voilà, il fête son anniversaire aujourd'hui, jour de l'enregistrement de l'émission. On n'avait pas calculé ainsi pour ceux qui. On vient bah de ouais, non, non, là clairement c'est le hasard, je le découvre. Hein, voilà. Alors c'est un film dont voilà, j'ai envie de vous en parler parce que on va pas se mentir, hein, les deux premiers, Maman, j'ai raté l'avion, réalisé par Chris Columbus, que j'adore, grand réalisateur de scénarisé films par Johnny. Ouais, bah même les premiers films. Oui, oui. Voilà. Donc là, en fait, on n'est pas dans une suite, on est vraiment dans une fausse suite. Hein, ça reprend juste le titre Home Alone, parce que là, il n'est plus du tout question de Macaulay Culkin, etc. On Kevin, est avec un nouveau Kevin McAllister. Là, on est avec Alex, il me semble. Oui, il s'appelle Alex. Je ne connais même pas son nom de famille d'ailleurs. Pourtant, je l'ai revu il y a deux jours, mais Alex ils le disent même pas. Donc, ouais, non, ils le disent pas. Non. Donc voilà, nouvel acteur, nouveau héros. Le concept dans les Groslings, ça reste le même. Hein. C'est un petit garçon. Bon, je vais raconter brièvement le synopsis, hein, mais c'est pas spécialement intéressant. Mais il est un peu chiant à résumer. En gros, c'est un enfant qui va mettre la main sur une voiture télécommandée offerte par sa voisine. Et dans cette voiture se cache un microprocesseur qui appartient à une société, enfin à des trafiquants nord-coréens. voilà, enfin c'est une pièce que des trafiquants veulent à tout prix posséder. Pour qui, pourquoi, j'en sais rien. C'est même pas expliqué dans le film, je crois, mais au final on s'en fout. Mais toujours est-il que quatre mafieux vont être à la recherche de ce microprocesseur. Donc ils vont facilement se rendre compte que la voiture télécommandée dans laquelle se trouve le microprocesseur. Non, le microprocesseur. Non. Qu'est-ce que j'ai dit ? Si, le microprocesseur, il est dans la voiture. Ah oui, excusez-moi, ouais. Excusez-moi. Oui, oui, oui. Voilà, le microprocesseur dans la voiture télécommandée se trouve dans la maison de ce petit garçon, enfin, se trouve en possession de ce petit garçon. Et du coup, bah, ça va être le même concept, c'est-à-dire un garçon malin comme tout et très vicelard qui va monter des pièges pour pouvoir affronter des méchants tous aussi cons les uns que les autres. On va pas se mentir, hein, voilà. Alors. Après ce petit résumé bref, moi c'est un film que j'adore. Voilà, encore une fois, plaisir de l'enfance, ça c'est clair. Encore une fois, la nostalgie qui parle, mais en l'ayant revu, même si on fera jamais aussi iconique et culte, voire même attachant que les deux premiers, parce qu'il y a la patte Chris Columbus, parce que c'est un film qui est encore plus dans l'ADN de mon enfance, les Mamans j'ai raté l'avion. Mais je trouve que pour une fausse suite, et eh ben je la trouve pas déshonorante, bien au contraire. Comme j'ai dit, voilà, c'est un nouveau héros, c'est un nouvel acteur, et je trouve que voilà, il a une petite bouille craquante, hein, clairement. Il est assez rigolo. Moi, tout ce que j'aime dans ce genre de film, voilà, c'est le rythme, c'est l'humour, c'est l'énergie, et je trouve que dans celui-là, il y a quand même ce qu'il faut. Alors, effectivement, voilà. Si vous le prenez vraiment comme une suite, mais si vous tombez dans le comparatif des deux premiers, peut-être que vous allez pouvoir être déçu. Mais honnêtement, comme fausse suite, je trouve que c'est vraiment pas déshonorant. Au contraire, c'est tout ce que j'attends en fait dans le concept d'un Home Alone. Quoi. C'est des pièges variés. Et en plus de ça, la différence avec les Mamans j'ai raté l'avion, c'est que là il y a quatre méchants. Donc ça permet vraiment au film d'avoir beaucoup plus de pièges, c'est beaucoup plus varié, ça reste des archétypes de personnages, hein. On a toujours le méchant ultra sérieux, bon là par contre, là c'est une femme, et on a toujours le méchant un peu neuneux qui va s'en prendre encore, enfin beaucoup plus plein la gueule que les autres, mais je trouve que ça marche en fait, ça marche puisqu'il y a une sincérité, il y a la patte John Hughes que je reconnais quand même un petit peu, ouais. Même si, alors est-ce qu'il l'a écrit ou il est juste producteur, je ne sais pas. Il l'a écrit, et bah franchement ça se ressent. Voilà, franchement ça se ressent. Ouais. Pas John Hughes, mais des fin années 90, genre Flubber et tout ça, enfin les films qui étaient un peu plus contestés, on va dire, au niveau de leur qualité. Bah, sur celui-là, je pense que malheureusement le défaut qui a nuit à ce film et dans sa réception, parce que c'est vrai que c'est un film. Alors. J'ai remarqué sur Twitter que quand j'ai annoncé que je le regardais, beaucoup de personnes m'ont soutenu en disant « Moi aussi, j'adore, j'adore, j'adore. » Par contre, quand on voit les notes, le film se fait déchirer la tronche, hein, clairement. Mais c'est un film que je défends. Alors, il n'y a pas grand-chose, en fait. J'ai pas vraiment d'argument. Il y a effectivement une part de nostalgie. Mais je trouve que les pires suites ont été faites après. Et notamment, le numéro 4, il est vraiment pas regardable. Et le 5, j'en parle même pas avec Michael McDowell. Franchement, ne vous infligez pas ça, s'il vous plaît. Mais celui-là, je trouve qu'il y avait encore le l'ombre de John Hughes. Et ça se ressent. Après, effectivement, c'est un nouveau personnage, on adhère, on n'adhère pas, mais je trouve que l'acteur voilà, fait le boulot, j'aime bien l'ambiance, ça me fait marrer. Il y a une scène où il est question d'un méchant qui a les pieds collés dans un seau dans deux seaux à roulettes et qui dévalise des escaliers, mais je me pisse dessus de rire. Le film a eu son effet sur moi à l'époque, et je dois dire que je l'ai même beaucoup plus regardé que le premier Maman, j'ai raté l'avion. Donc peut-être que quelque part, j'y suis plus attaché encore. Moi aussi. Moi c'est celui que j'ai plus vu, je crois, parce qu'il passait tout le temps à la télé, j'avais l'impression, mais enfin chaque Noël. Et puis n'oublions pas, il y a une grande actrice oui. très cotée aujourd'hui qui a fait ses débuts dans ce film-là, qui est Scarlett Johansson quand même. Ouais, c'est vrai. Donc avant d'être Black Widow, elle était, bon, c'est un rôle secondaire, hein, on va pas se mentir. Elle joue sa sœur, il me semble. Voilà, elle joue sa sœur, et puis bon, bah voilà, il y a des running gags, moi, qui me font marrer, le perroquet qui chante. Enfin, c'est des trucs pas très. Non, mais. Ouais. J'en conviens, c'est régressif quelque part, mais moi ça me fait marrer, quoi. Le perroquet qui chante. Après, on retrouve, voilà, les pièges font quand même écho au premier Maman, j'ai raté l'avion, oui, le coup de l'électrocution, etc. Mais c'est tellement bien exécuté. Puis je trouve ça sincère, en fait. C'est pas des films qui trichent, c'est des films qui sont faits juste pour faire plaisir à un public très jeune, et ça s'assume en tant que tel. Je l'ai vu très jeune. Et comme je reste un grand enfant, bah forcément, je prends toujours du plaisir à voir ce film. Donc voilà, non, c'est pas déshonorant pour une fausse suite. Ça reste mignon tout plein, très attachant. Et puis, je dis pas que je suis ému devant, mais il y a toujours le petit côté un peu, le petit câlin à la fin avec la maman et tout. Moi, ça me fait de l'effet. Moi, j'avoue, j'aime bien. Voilà. Ouais, ok, très bien. Ouais, toi t'as pas l'air très je sais que t'es pas fou de ce film, toi. Enfin, comment dire, déjà je l'ai pas revu pour l'émission, je tiens à dire, donc je vais pas pouvoir dire précisément je n'aime vraiment pas, je suis sûr à 100%, parce que la dernière fois que je l'ai vu, ça devait être en 2014, 2013, quelque chose comme ça, donc ça commence à remonter un petit peu. C'est un film, ouais, comme j'ai dit, je l'ai beaucoup vu quand j'étais petit, j'aimais vraiment bien quand j'étais petit. Mais j'ai un souvenir de l'avoir quand je l'ai revu du coup la dernière fois, d'être un peu tombé de haut, enfin surtout j'avais vu le 1 et le 2 juste avant, et du coup je m'étais fait chier, mais on ne peut pas ne pas comparer, enfin quelque part c'est obligé, en plus la musique début c'est la même et voilà, tout, donc... Le problème c'est ça, c'est pas le fait que c'est pas le même personnage, moi je m'en fiche, ça aurait pu être un autre personnage, Peut-être qu'involontairement, enfin inconsciemment, si, parce que on entend les notes de John Williams. Je crois que c'est toujours lui qui fait la musique. Enfin, je ne sais pas. Ouais, j'ai même pas regardé. En tout cas, le thème est le même, donc forcément, on a en mémoire parce que Kevin McAllister, c'est Home Alone, quoi. C'est clair. Mais je peux comprendre. Si on voit les trois à la suite, forcément, il n'est pas aussi marquant. Mais il y a quand même quelque chose, voilà, moi je suis très attaché à ce film, mais je le défends, ambiance, je ne trouve pas honteux, du tout. Ça, on ne peut pas lui enlever, c'est vraiment qu'il y a une ambiance, et il y a une âme dans ce film, c'est clair. Mais, Les bonnes vibes de Noël, voilà, telles qu'on les aime. Voilà, c'est ça, et puis même, tu vois, quand tu es dans cette période, tu t'acceptes de voir des films un peu moins, enfin... Mais un oui, tu les as revus quand, ça se trouve, tu l'as revu en mars et t'as fait n'importe quoi. Non, je crois que je les avais vus à Noël, mais... Mais faudrait que je le revoie justement avant de donner un avis définitif. Mais voilà, je sais que c'était un film que j'appréciais dans mon enfance en tout cas. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent le voir ou le revoir, il est disponible sur Disney+. Hein. Franchement, allez-y. Donc, après les méchants pris au piège d'un petit garçon vicelard, on va partir vers. Vers quoi ? C'est un film que j'ai pas vu, je tiens à préciser. Et je vois que c'est un film de Jon Favreau. Mais il y a tout un lien, parce qu'on parlait de Scarlett Johansson qui était chez Marvel. Je peux te dire qu'il y a énormément de... Enfin, le casting de ce film est assez fou, en fait. Surtout pour... Ah oui, je vois ça. Vraiment, honnêtement, pour ceux qui aiment... Y a pas mal d'acteurs qui jouaient dans des comédies dans les années 90, début 2000, qui sont là. Pour resituer, on parle de Elf, du coup. C'est le film que j'ai choisi dont j'ai choisi de parler. Sorti le 3 décembre 2003. Exactement, en France. Et du coup, réalisé, comme tu as dit, par Jon Favreau et scénarisé par David Berenbaum. Je savais même pas que c'était Jon Favreau. Je connaissais le film, mais je ne savais pas que c'était lui. En fait. Ouais, c'est lui. Et il fait une petite apparition dans le film. Du coup, pour revenir rapidement sur le cinéma. Déjà, comment j'ai découvert ce film. Ce film, j'en entendais parler souvent. Et en fait, c'est contrairement à ce que j'ai dit juste avant, parce que j'ai dit, sauf exception, c'est un film que j'ai découvert l'année dernière. Voilà, j'ai découvert Noël de l'année dernière, et je me suis tapé ma meilleure barre devant ce film, et en même temps, j'ai rigolé, j'ai pleuré, j'étais ému. Je t'imagine en train de... Non mais vraiment, vraiment. Oh là là, comme quoi derrière cette voix virile se cache un enfant tout sensible. Mais vous le savez depuis le début, hein, ceux qui écoutent les... Mais oui, c'est un gros nounours, Axel. Voilà, exactement. Mais du coup, ce film, je l'ai découvert assez récemment et j'ai adoré. Et je me suis dit, mais pourquoi on n'en entend pas autant parler que... Enfin, dans les films classiques de Noël, c'est plus... un film classique de Noël aux États-Unis, j'ai l'impression, que autre part, en Europe, etc. Je sais pas, ça peut-être parce que Will Ferrell en France. Will Ferrell, c'est pas si connu. Hein. Et c'est bien dommage parce que c'est un acteur, mais à mourir de rire. Et dans ce film, je trouve qu'il démontre d'une sincérité et d'une. Enfin, il est. Je vais rappeler le synopsis pour bien parler du personnage, justement. Ça parle d'un être humain qui s'appelle Buddy, donc qui est interprété par Will Ferrell, qui a été abandonné par ses parents dès son plus jeune âge et qui est. Oh les salauds! Ouais. Et du coup, il est trouvé par le Père Noël et il est élevé par des lutins. Voilà. Heureusement qu'il n'a pas été trouvé par Polanski, le pauvre. Oui, il aurait pu avoir un. Une autre carrière, hein, malheureusement. Du coup, Buddy grandit et sa corpulence finit par poser problème aux lutins parce que voilà, ils vivent dans un monde où tout est fait pour leur taille. Un jour, le drame de notre époque, ça. Un jour, son père elf adoptif, du coup, il s'appelle Papa Elf, et il est interprété par Bob Newhart, qui est une légende de la comédie aux États-Unis. Vraiment, c'est quelqu'un qui est pas très connu en France, mais vous l'avez sûrement déjà vu dans n'importe quoi, parce qu'il passe dans, il est passé dans toutes les sitcoms des États-Unis quasiment. Donc, en tout cas, les plus connus. Du coup, son père adoptif lui révèle la vérité sur ses parents et Buddy part à la recherche de son père biologique à New York. Père biologique interprété par James Caan. Voilà, ça fait beaucoup. James Caan, on connaît. Réalisateur de Titanic. Ah non, c'est James Cameron, ça, excusez-moi. Voilà. James Caan, on le connaît principalement pour son rôle dans Le Parrain, mais il a fait énormément de films. Misery, pour moi, c'est Paul Sheldon. Misery aussi, enfin voilà. Cet acteur est complètement fou. Enfin, toute sa carrière, c'est absolument dingue. Mais voilà. Will Ferrell en Buddy, il démontre toute la palette d'acteurs qui peut apporter. Et en fait, il joue quelqu'un de très naïf parce qu'il a grandi du coup dans le monde des lutins. Et enfin, c'est assez classique comme scénario. C'est quelqu'un qui est naïf, qui a pas eu l'habitude de voir beaucoup de personnes et qui arrive dans un monde complètement inconnu. C'est un peu dans un autre registre, c'est un peu à la Borat, quoi. Clairement, c'est un choc de culture et c'est déjà, c'est à mourir de rire parce que les quiproquos, etc., du fait de son éducation chez les lutins, font que il fait beaucoup de bêtises et il fait énormément de choses qui sont vues comme pas bien, mais qui sont à mourir de rire. Par exemple, ça paraît bête comme ça, mais moi, il y a des scènes qui me font mourir de rire comme... Mais je pense qu'il y a une humanité, parce que Will Ferrell, derrière le côté un peu clown, il a une vraie mélancolie dans le regard, c'est, je trouve. Ça. Et peut-être que c'est adapté, en fait. Hein. Et c'est justement ça, en fait. C'est ça qui m'a touché le plus dans ce film. C'est vraiment son humanité. Sa candeur naturelle, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, le truc, c'est qu'il joue quelqu'un de naïf, et c'est très dur de jouer quelqu'un de naïf et de le rendre... chiant au bout d'un moment parce que tu te dis ah mais il est trop naïf, enfin il est vraiment con, alors que là c'est un peu comme le Pinocchio de Roberto Benigni, en fait. Voilà, exactement, c'est autre chose, mais la naïveté de Pinocchio joué par Benigni, c'était insupportable, clairement. Ouais, voilà. Et là c'est tout le contraire. C'est vraiment touchant et à chaque fois ça met vraiment de bonne humeur parce que tu vois quelqu'un qui même si les gens avec qui il interagit en face sont pas de, enfin, sont pas de bonne foi, essayent de l'arnaquer, etc. Lui, il est toujours joyeux, toujours content. Il essaie de voir le meilleur dans le pire des situations. Et, Attends, mais on croirait que tu me décris moi là. Non, mais c'est flippant. Hein, je suis un peu comme ça dans la vie, moi, quand je même. Je pense que tu as, que tu aimerais beaucoup ce film déjà parce qu'il est. Ah, j'ai compris, je pense que tu ferais un très bon elf. Aussi, peut-être. Non, en tout cas, oui, voilà, ce film, je le trouve très, très... Enfin, il est un peu... déjà, tout le début, au niveau de la réalisation, c'est dans, ça fait penser un peu au Seigneur des Anneaux, mais un peu mal fait. Parce qu'il y a des trucs de perspective avec... comme Will Ferrell est un humain... Et les autres sont des lutins, du coup il y a ce genre de... Ah oui, un jeu sur voilà. la taille. Ouais, et ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne plutôt bien, mais les décors sont cheap, exprès en fait. Ça fait vraiment studio, et ils en jouent, hein. Ils ont des personnages un peu en pâte à modeler à côté. Et en fait, le fait que Will Ferrell interagisse avec eux comme si c'était des humains normaux, ça rend le truc encore plus drôle. Et voilà, il y a pas mal de jeux avec le fait que ils ont peut-être pas eu énormément de budget pour se faire ce film, mais du coup ils jouent avec ça, et franchement c'est à mourir de rire. Il y a un bonhomme de neige qui parle au bout d'un moment, c'est glauque ça par contre. Non, mais c'est vraiment drôle, c'est en pâte à modeler, tu vois, genre mais voilà, de la pâte à modeler qui parle, c'est glauque, désolé. Peut-être, mais en tout cas moi j'ai trouvé ça très drôle, la façon dont c'est incorporé dans le film. Voilà, le film est vraiment, enfin, ça m'étonne que j'en ai pas entendu autant parler avant que je le regarde, et là je l'ai revu pour la deuxième fois du coup pour voir ce film, et c'est vraiment, honnêtement, je rigole énormément devant ce film, et c'est peut-être c'est pas une de mes comédies préférées, mais c'est dans la liste, clairement. Si je devais faire mes 100 comédies préférées, il serait dedans. Et c'est, voilà, j'aime beaucoup ce film, j'arrive pas trop à dire pourquoi. C'est la naïveté du personnage de Will Ferrell, toutes les bêtises qu'il fait, le fait que par exemple il mange des spaghettis avec du sirop d'érable, enfin voilà, il mange que du sucre parce qu'il a été habitué à manger que du sucre dans sa vie de lutin, voilà. Et puis son père, bien sûr, quand il retrouve son père qui est interprété par James Caan, c'est un horrible personnage, enfin voilà, le scénario est assez cliché, hein, clairement. Si je suis objectif, c'est pas voilà, c'est quelqu'un qui est froid, qui est distant, qui est pas avec sa famille, etc. Et bien sûr, le fait de rencontrer Buddy au bout d'un moment, ça va le rendre ouais, il s'humanise, mais comme je dis, c'est la naïveté, c'est l'optimisme de Noël. Exactement. C'est pour ça aussi qu'on les aime. Exactement. Ces films là ouais. C'est un peu comme les téléfilms de Noël sur TF1 avec la célibataire qui rencontre le beau ténébreux qui n'a pas envie de s'engager, et puis à la fin il se rend compte que c'est super, voilà, bien de scoltiner la mère et la fille qui est chiante comme la pluie. C'est génial. C'est ça, mais honnêtement, franchement, c'est bien, c'est même si le scénario est assez basique, c'est vraiment bien fait, et De toute façon, par définition, les films de Noël n'ont jamais des scénarios extrêmement... voilà, quoi. Oui, après... C'est toujours basique, c'est toujours des archétypes, mais ouais. Bon, je pense qu'on a une forme d'indulgence aussi avec ces films-là. Parce que Noël, voilà, ça arrive qu'une fois par an, ouais. Et ça a failli ne pas arriver cette année en plus, ouais. Donc d'autant plus, là, on se réfugie un petit peu. Je pense que c'est normal l'indulgence qu'on a, en fait. Oui, bah oui, mais là, tel que tu me le décris, oui, je vois à peu près, même sans l'avoir vu, je vois à peu près le style de film que c'est, quoi. Ouais, et je sais que si je tombe dessus, je passe un super moment. Ah ouais, non, mais vraiment, en plus, l'humour dans ce film, c'est vraiment du Will Ferrell craché, tout craché dans un film pour enfants, entre guillemets, donc ça fonctionne super bien, je trouve, parce que c'est ouais, c'est absurde, mais c'est drôle à la fois, enfin c'est, franchement, je passe un super moment devant ce film, et je vous le recommande énormément. Je suis un peu moins fan de la dernière partie du film, qui est un peu plus sérieuse, enfin sérieuse entre guillemets, puisque Non, mais enfin, ouais, j'ai pas envie de spoiler non plus. Bon, y a du gros Ouais, suspense, il y a un gros attention, hein, y a suspense, du... mais en tout cas, ça concerne le Père Noël que je trouve la scène, enfin, toute cette partie un peu plus cucu Il est que le reste mort? du Il est film. mort? Mais Il est non, mort? non, non. Non, Très... Imitation d'Albert Dupontel. Il est mort? Il est mort? je te rassure, il n'est pas mort, mais en tout cas. Oh. Ouais, cette troisième partie, je suis un tout petit peu moins fan, mais comme j'ai passé un tellement bon moment devant le film, Tu honnêtement, pardonnes. je peux pas lui en vouloir et il y a quand même des moments assez drôles dans cette troisième partie, donc ça va, je me fais pas, enfin c'est pas non plus le calme plat après avoir bien rigolé et voilà, et été ému et ça aurait été dommage ça. Avec des petits chocolats, Ouais, voilà. non, c'est très bien. Un... Ouais, Voilà. voilà. Honnêtement, moi, je vous le conseille. J'espère que vous lui donnerez sa chance. Il le mérite, je trouve. Et puis, voilà. Ah là là, l'avocat de la partie cinéphile. T'es brillant. Très bien. Même Merci. moi, tu m'as convaincu, tu vois. Merci. Et donc, du coup, troisième et Ouais. dernier film. Donc là, on va partir vers un film en commun que j'ai revu hier Moi soir. Donc, j'ai aussi. revu le 16 décembre. Et qu'est-ce que c'est bien. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est trop bien. Qu'est-ce que c'est trop bien. Vous avez vu, je parle très bien le français. Ouais. Là, on va partir avec Terminator à la recherche d'un jouet. Puisqu'on va parler de la course aux jouets. Ouais. Réalisé par... Par Brian Levant. Bravo, qui avait réalisé entre autres Beethoven, qui est aussi un film que j'adore. Hein, et La famille Pierre à feu aussi. La famille Pierre à feu. Alors, j'ai jamais vu La famille Moi non Pierre à feu, je plus. sais pas ce que c'est. Non, ça m'a jamais Ça m'a tenté, jamais tenté j'avoue. non plus. Hein. Et Voilà. Kung Fu Nani apparemment, d'après ce que tu as Ouais, dit. Kung Fu Nani sorti en Oh, et 2009. Non, Chien des 2010, Neiges, je oh punaise, crois. ce film. Oh. Ouais. Bon, enfin bref, on n'est pas là pour ça. Non, mais franchement, alors là, je vais. Ouais, deux mots sur Kung Fu Nani, c'est pas mal du tout, voilà. Non, franchement, c'est sympa, c'est sympa. Mais bon. Je pense qu'on parlera aussi d'un de ces... Ah bah non, c'est pas lui qui a fait Scooby-Doo 2. Non, Non, non, non. Scooby-Doo, c'est pas lui qui l'a fait. Non, c'est pas lui. Non, bref. Donc, toujours est-il, revenons à nos moutons. Donc, on va parler de La course aux jouets, Ouais. sortie le 11 décembre 1996, donc avec Arnold Schwarzenegger, Jack Lloyd, plus connu sous les traits de Young Anakin Skywalker, Ouais. futur Dark Vador, hein, dont Bah, l'acteur, malheureusement, a mal fini, ouais. mais pas à cause de ce film-là, à cause de Star Wars, vous voyez. Malheureusement. Voilà, donc bah écoute, qui en parle, toi, Bah, moi? tu peux Oh, commencer j'y si tu vais. veux, Ouais, ouais. je vais commencer. Bah, l'histoire, hein, l'histoire est toute simple, évidemment, comme dans tous les films de Noël, hein. C'est Howard, donc, qui est interprété par Arnold Oh Schwarzenegger, qui non, est un le papa papa, Arnold. bosseur, qui le grand, le génial. Mais vraiment, alors pour Ouais. le coup, je dis ça sans ironie, c'est Ouais, un non, acteur vraiment. vraiment super, y compris, surtout même, j'ai envie de dire, dans les... Enfin, il est aussi menaçant et flippant dans un Terminator qu'attachant dans La course aux jouets ou même Un flic à la Ouais. maternelle, qui est un film dont on pourra parler dans Oh une oui. prochaine émission aussi. Donc Howard, donc c'est un homme d'affaires qui pense beaucoup plus boulot que famille, Ouais. qui va un soir décevoir son fils parce qu'il a manqué, comment dire, une représentation à son cours de Ouais. karaté. Il a Donc pour se manqué faire, la ceinture violette. voilà, ouais, il a manqué la consécration, le sacre de son Le fils. passage. Voilà, et du coup, pour se faire pardonner, il va demander à son fils, bah, qu'est-ce que tu veux que je t'offre en échange pour me faire pardonner? Son fils va lui réclamer un jouet très en vogue, en tout cas pour les personnages du film, enfin pour Turboman. le Turbo Man, qui est un espèce de Action Man bis, on va Ouais. dire, voilà, qui est un jouet ultra populaire chez les enfants. Donc il va vouloir forcément l'acheter naturellement, sauf que bah, comme on est quasiment à la veille de Noël et que c'est un jouet qui est très en vogue, et bah, rupture de stock partout, un peu comme ce que je vis en ce moment avec la PS5. Voilà. Donc bah, moi, qu'est-ce que... Alors, ce film-là, pour le coup, encore une fois, c'est un terme qui revient, mais souvenir de gosse, souvenir de Noël, mais qui se pose là et bien là. Pour moi, ce film, alors, est-ce que c'est plaisir coupable ou pas? J'ai un peu du mal, en Bah, fait, je suis un peu incertain. moi je pense pas que ce soit non plus tu vois, un très grand film. Enfin, c'est pas un film qu'on peut dire, ouais, il est excellent. Donc pour moi, Bah, je le dis, moi. tu Ah ouais? Je le dis, justement. Ah Ouais. oui. Ah Mais oui, tu ça lui as se... mis Bah un 7 sur oui. 10. Bah, Attends. c'est excellent. 7 sur 10, c'est excellent. Bah, c'est très bien. Bah, Ouais. qu'est-ce que t'appelles excellent, toi? Excellent, pour moi, c'est 9, voire 10 sur 10. Ouais, mais attends, mais j'ai mis 7 pour. Non, mais dans mon cœur, c'est 10, attention, Ok, hein. d'accord. Attends, bah ouais, Oui, 7 attention. parce que t'es objectif. Bah ouais, parce Ok. qu'après, on va dire, oh là là, t'as mis 5 à Barry Lyndon et 10 à la course jouée. Oui, ok, Voilà. d'accord. Je les vois venir, les gens, on va m'attaquer encore une fois. Et comme je suis déclencheur de drama sur Twitter pour tout et pour rien d'ailleurs, donc voilà. Ok, Maintenant, je prends non, mes mais précautions. ouais. Bah, Non, mais honnêtement, pour moi, c'est c'est un vrai que c'est. plaisir coupable parce qu'il y a pas mal de gens qui n'aiment pas ce film. Et d'ailleurs, bah, je vois sur, par exemple, sur Rotten Tomatoes, il a 17% et Allociné, il a 2,1%, 2,1 Oui, sur puis 5, tu vois. Donc. ça s'inscrit dans les comédies familiales, pas très, comment dire, élaborées, on va dire, Des années 90. des années 90 avec Schwarzy, quoi, qui voulait peut-être un peu se détacher de son rôle de Terminator, à juste titre, il avait envie de faire autre chose. Oui. Et ça, oui, ça s'inscrit un peu, oui, dans le petit plaisir régressif de Noël, qui, quand on l'a découvert, quand on est gosse, forcément. Enfin, quand on est gosse, moi, je sais que Turbo Man, c'est un jouet dont je rêvais de l'avoir quand j'étais petit, hein, clairement. Parce que je trouve que, justement, alors hier, en le regardant, en étant plus vieux, Ouais. adulte, mature, ça fait mal au cœur de dire Non, ça, mais on est toujours jeune je me suis d'enfant. rendu compte que l'univers du film, c'est-à-dire tout l'aspect marketing avec ce Turbo Man, Ouais. tout ça, parce que c'est de la fiction, hein, ça n'existe pas dans la vraie vie, mais je trouve ça super bien foutu en fait. Et j'y Ouais, crois en fait, ouais, toute ouais. Et cette moi. histoire de jouer, ce marketing, voilà. Et je trouve que ça donne un peu du crédit à ce film-là, qui est pas juste la petite fable de Noël, enfin, rempli de bons sentiments, hein, puisque c'est toujours ça, les films de Noël. Voilà, c'est un peu. Voilà, c'est, comment dire, un peu bisounours-land, quoi. Oui, Voilà. ouais. Là, effectivement, c'est ça. Mais moi, ce que j'aime avant tout dans ce film, c'est le plaisir évident et communicatif de Schwarzenegger à jouer un rôle comme ça. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir le faire, je trouve. Un acteur de cette trempe, qui va vers des rôles comme ça, il faut avoir du culot quand même pour oser un peu se parodier quelque part. Vu que, bah, même à la fin, il y a une scène où clairement il devient lui-même un. Il devient lui-même Ouais, un Turboman, on va pas spoiler, encore une super-héros, fois, gros suspense, attention. Mais il se parodie quelque part, et je trouve ça ouais. noble, parce qu'il a pas fait ça en début de carrière, il a fait ça clairement à l'apogée de sa carrière. Et je pense que peu d'acteurs prendront ce risque-là aujourd'hui. C'est vrai. Je pense qu'il y en a peu, et c'est très très noble de sa part, sachant qu'en plus ce mec-là, est quelques années plus tard, est devenu gouverneur de Californie, donc c'est quand même assez, voilà. Ouais, c'est ouf. Mais je trouve que dans l'exécution, en plus c'est très court, ça dure 1h25 sans Ouais, générique. franchement, j'étais étonné de revoir la. En le revoyant, j'étais étonné de voir la durée, parce que pour moi, il durait plus longtemps. Ouais, bah quand j'étais petit, peut-être parce que je le remettais à chaque fois, dès que le générique de fin apparaissait, hop, je le remettais. Ouais. Mais je trouve que voilà, il y a un rythme qui est clairement parfait, quoi. Ça coule de source. Il y a toujours des rebondissements, ça se renouvelle. Et puis il y a une dualité entre Arnold Schwarzenegger et l'acteur Sinbad, qui joue un autre père de famille qui lui aussi veut le jouer Turboman pour son fils. Et va y avoir une concurrence entre les deux. C'est un jeu du chat et à la souris, parce que bah c'est un jouet qui est tellement prisé que en gros. À la fois, ils se soutiennent quand ils trouvent pas le jouet, puis dès qu'ils ont une piste pour le jouer, bah, tout de suite, ils se tirent dans les pattes, ça se jette, ça se balance aux flics, enfin, Ouais, enfin ça va loin, hein, parce que ça va très très très loin. enfin, La fin est ouais, violente, mine de la rien, quand fin est même. assez violente parce que il essaye quand même, enfin limite de tuer le gosse de Arnold Ouais, enfin, de Schwarzenegger tuer, peut-être pas, mais entre, enfin. enfin voilà, ils vont sur un toit et voilà, comment dire, ils sont suspendus, ils sont suspendus au-dessus d'un immeuble et Mais voilà. la fin est très métaphorique, attention, là on va partir dans l'analyse, mais la fin finalement avec, bon, de toute façon je pense que tout le monde l'a vu, puisqu'à la fin il est question d'une parade de Noël dans laquelle le personnage de Turboman doit venir en mode cosplayer pour faire coucou aux enfants, et par tout un tas de circonstances, c'est Schwarzenegger qui va endosser le costume, et l'ennemi juré de Turboman dans la mythologie Turboman qui s'appelle Démentor, c'est Ouais, c'est ça, ça. va être, parce que le costume va être subtilisé par l'autre père de famille. Et tout d'un coup, en fait, tout ça devient métaphorique, puisque la guéguerre entre les deux, c'est aussi futile que deux jouets qui s'affrontent, quoi, en fait. Et je trouve ça plutôt rigolo, plutôt sympa, en fait. Et ça amène une petite scène à la fin qui est quand même assez Alors, belle, je déjà trouve, avec. ouais. Non, vas-y, continue, désolé. Bah, le côté, j'ai le vrai Turboman pour Ouais, moi, ouais. etc. La petite rédemption du méchant. Enfin, Oui, c'est tout bête dit cucu à comme mort, ça, mais c'est voilà, cucu, mais ça ça marche. fonctionne. parce que ça fait partie des films comme ça qui sont baignés dans une sincérité. Ils sont pas faits, bon, peut-être aussi parce que Schwarzenegger, acteur populaire, on le met là-dedans et tout, ça fait vendre, mais ça reste sincère. On sent que Schwarzy s'éclate. Et moi, je trouve que le plaisir de jeu, quand on voit un acteur qui prend plaisir à jouer, même à un personnage comme ça, même dans un film aussi modeste que ça finalement, bah, je trouve que Non, ça ça se fait ressent. Et plaisir. le plaisir, il est là, Ouais, quoi. Et puis c'est c'est clair. drôle, je trouve ça drôle. Oui, c'est plutôt drôle et honnêtement, ben, je trouve que ça, comment dire, ça représente, enfin, déjà, c'est assez visionnaire comme film, même si ça se passait déjà à l'époque, mais sur toute la période folle de Noël avec ben, le commercialisme à donf et la course la course justement dans les magasins. C'est encore plus vrai aujourd'hui du coup je trouve que c'est très bien représenté dans ce film et ça m'a étonné qu'un film comme ça bah, parle bah, enfin, en même temps je veux dire la fin c'est quand même assez oui enfin non justement ce que je veux dire c'est je me perds dans les mots mais C'est vrai que c'est un film assez compliqué à le résumer Le aussi, hein, mais... commercialisme, justement, c'est pas la fin en soi. Oui, ils Voilà. en parlent, ouais, ils en Et parlent. justement, c'est assez étonnant venant d'un film des États-Unis qui Oui. soit aussi critique avec bah, les jouets, enfin, les produits Un truc dérivés, qu'ils ont machin. eux-mêmes Voilà, créé, un truc vraiment voilà. qui est ancré dans la culture limite. La mondialisation, hein, forcément. Voilà, c'est ça. Et du coup, ben, c'est assez étonnant pour un film des années 90 avec Schwarzy que ben, qu'il soit aussi critique avec le commercialisme et de Noël et même voilà, toute la folie autour qui, ben, justement, la fin revient un peu à ses bases. Voilà, finalement, j'ai juste besoin d'avoir mon père avec moi et je suis content, quoi. J'ai pas besoin. Oui, voilà, Voilà, les c'est ça. valeurs familiales, Voilà, c'est ça. finalement, les jouets, on s'en fout. Bon, après, voilà, ça fait partie, voilà, de la bonne morale, mais je trouve qu'elle est belle, effectivement. C'est vrai. Et puis après, voilà, tout le côté capitalisme, c'est dénoncé aussi par une des scènes au début, où bah, la première rencontre entre Myron et Howard, Ouais. où Myron pète un câble en parlant de... quand il dit que comment dire, on est tous manipulés Oui, par ouais. les grands cartels des jouets. Ouais. Même la scène, alors on voit quand même une scène où la Schwarzy qui se fight contre des Pères Noël, parce qu'il peut pas s'en empêcher, hein, d'user ses muscles dans ses films. Et il y a une scène Ouais, où, qui enfin, me fait hurler de ouais, il y rire. a genre un gang de Père Noël qui arnaque les gens en faisant des Voilà. faux Turboman. Et toute cette scène, elle est ouf, quoi, parce que c'est n'importe quoi, mais ça Ah ouais, non, mais fonctionne trop bien. c'est incroyable. Et. Non, voilà, mais vraiment le petit plaisir de Noël, effectivement. Mais c'est même un film que je prends du plaisir à le revoir, même Ouais. en plein été, etc., quoi. Je trouve que ça se tient quand même. Alors oui, il y a l'ambiance de Bah, il Noël, fait beau, hein. mais... Enfin, il y a toujours du soleil dans ce film, tu vois. Oui, c'est C'est vrai. vrai. Ouais, puis mais on a pas aussi parlé du renne, quand même. On voit Schwarzy mettre un coup de poing à un renne. Ça, c'est Enfin, je veux ouf. dire, Non, mais attends, voilà. aujourd'hui, tu pourrais jamais faire ça. Même en faux, Ah c'est. bah non, Oh, clairement pas. c'est Puis même, il fait ouf. boire le renne à un moment donné. Ouais. Il lui donne Non, un mais. petit peu de whisky, Et voilà, puis, non. enfin, Schwarzy, c'est pas un personnage. Enfin, tu vois, on l'aime parce qu'à la fin, voilà, il fait tout pour son fils, mais. Il essaye quand même de voler un jouet Il vole un jouet à un ouais, enfant, il vole un ouais. jouet à un enfant sous le sapin de son voisin, quoi. Enfin, c'est Ouais, mais ouf. il regrette, hein. Il Ouais. sort de la maison, il dit, putain, faut, Ouais, voilà. Et voilà, c'est c'est là qu'il ça. rencontre le renne, donc il est Oui, puni quelque part. c'est vrai. Donc, Mais franchement, c'est fou la liberté qu'ils ont pris avec ce film. Et que Ouais. enfin, c'est pas aussi cucu que ça en aurait l'air, quoi. Franchement, Non, c'est il y pour ça a. que, bon, bah, plaisir coupable, peut-être parce qu'on voit l'affiche, on se dit, ouais, c'est un truc pour gamin, hein, évidemment. Oui, parce que, voilà, on a la morale un peu neuneu, les valeurs familiales et tout, c'est mon papa, et puis le jouet, je m'en fous. Ok, oui, ça y est, mais je trouve qu'il y a quand même une prise de risque pour Schwarzy d'avoir fait un truc comme ça. Ouais. Parce que d'avoir fait ça à l'apogée de sa carrière, faut le faire. Faut avoir Ah vraiment du oui, recul. Et c'est c'est là qu'on sûr. se rend compte de l'autodérision que ce mec a sur lui, en fait. Ouais. Et même, pas que lui, hein, même toute la clique de bah, les gros bras de l'époque, hein, Stallone, Ouais, il en mais je a, trouve que voilà. les comédies de Schwarzy sont meilleures que celles de Stallone, hein, clairement. Largement. Ouais, Enfin, arrête tout, ma mère va tirer, ouais. c'est pas trop mon truc, Non, ça. non, Mais... c'est plus drôle, c'est mieux fait. Enfin, comment dire, il y Puis met. Schwarzy Ouais. a plus, je trouve, De enfin, facilité. ouais, à faire rire, en fait. Ouais. Ouais. Je le trouve plus drôle en fait. C'est clair. Parce que jouer justement de sa musculature, c'est une vraie armoire hein, quand même. Ouais, ça c'est sûr. Bah, il en joue quoi, ce qui voilà, il est très charismatique aussi. Et puis quand il s'agit d'être dans le côté attendrissant, il a un regard presque enfantin, Schwarzy, je trouve. C'est vrai. Même aujourd'hui, hein, malgré son âge, et bah, il a une étincelle dans son il a toujours un côté juvénile Ouais, dans ses c'est yeux. vrai. Je trouve ça vraiment touchant. C'est pour moi, c'est un très grand acteur. Pourtant, Hein, on parle d'un mec qui a joué Conan, qui a joué dans Predator, Ouais, bah dans ouais. Commando, dans tous ces films. Et voilà, il y a toujours une. Enfin, c'est pour ça que j'ai toujours préféré Schwarzy à Stallone, et je m'en suis jamais caché, hein, clairement. Eh ben, on fera peut-être une petite idée de podcast, Ouais. un hors-série peut-être. Voilà, Stallone versus Schwarzy, et ça Possible. peut. Non, mais ça peut Ouais. être pas mal, je trouve, parce qu'on va pouvoir brasser plein de films. C'est Ça peut être clair. sympa, voilà. Ou. Ouais, du coup, bah, moi en fait c'est aussi un film d'enfance que j'ai vu beaucoup de fois quand j'étais petit à la télé, hein, comme toujours. Et du coup, bah, je l'avais aussi revu, il me semble, en 2013-2014, quand je venais d'ouvrir le site, et c'est une des premières critiques que j'ai faites sur le site, qui n'a pas très bien vieilli, je pense. Mais bon, bref, du coup, c'est un film que j'aime toujours beaucoup revoir. Et bon, quand j'étais petit, je l'avais vu en VF, mais là, les deux dernières fois où je l'avais vu, où je l'ai vu, pardon, je l'ai vu en VO, et la VO, elle est extraordinaire. Honnêtement, Arnold Schwarzenegger avec son accent autrichien est juste à mourir de rire, Ah, moi, je vraiment. préfère la VF. Choisis ces VF. Ouais, non, mais je comprends. Daniel Beretta, c'est la personne qui double Schwarzy en VF. Et il fait un très bon job, et le film est très bien aussi avec lui. Mais juste les répliques dans ce film, je dis tout, enfin, put that cookie down, c'est vraiment un truc que je dis souvent, alors que voilà, ça n'a aucun sens, mais c'est tellement drôle le fait que. En plus, on n'a pas parlé du voisin Ted Maltin, et je voudrais revenir sur cet acteur qui s'appelle Phil Hartman, Oui, qui est. et qui a été assassiné, je crois, il me Ouais, semble. qui Ouais. était quelqu'un d'extraordinaire, notamment, enfin, il a fait le Saturday Night Live, mais notamment, il avait plusieurs voix dans les Simpsons, dont Troy McClure, Lionel Hutz, Bonjour, je suis très mec là. voilà, enfin voilà, dans la version américaine évidemment, mais voilà, c'était un mec, mais à mourir de rire. Bon, son histoire est tragique, hein, mais Ouais, il a été assassiné par sa par sa femme. femme, voilà, bref, c'est horrible, mais du coup, ouais, ce mec me fait mourir de rire, et dans ce film, je le trouve tellement drôle dans le rôle du voisin qui est divorcé, et qui du coup essaye de, enfin, à toutes les femmes du quartier à ses pieds, parce que c'est un peu l'homme qui fait tout dans la maison, qui machin. C'est un peu sexiste, hein, faut pas se mentir. Mais Oui, bah, une des scènes au début, quand on lui demande de réparer l'électricité, ouais. puis il dit bien sûr, j'ai l'outil qu'il Ouais, faut. voilà, Ouais, ouais, bon. c'est Mais vraiment. lui-même est un gros lourd. Ouais, Un gros lourd. ouais, Et ouais. d'ailleurs, il m'a fait un peu penser à une version live de Flanders, un peu. Pas dans le C'est. genre Ouais. sexiste, mais dans le genre voisin qui est là Ouais, tout le temps. totalement, totalement. Et j'y ai pensé aussi. C'est vrai. Mais ouais. Et justement, il est intéressé par la femme, du coup, de Arnold Schwarzenegger dans le film. Qui est la femme, je crois, de Tom Hanks dans la vraie vie, si je me trompe pas. Ah bon? Ouais. Rita Wilson? Oui. Ah, c'est sûr et Ouais, c'est certain. ça, C'est sûr. exactement, depuis 88, donc ouais, ça. Et Tom Hanks, l'homme le plus fidèle et le meilleur acteur du monde, vous voyez. Mais ouais, du coup, voilà, elle aussi, hein, très, très bonne actrice dans le film. Je trouve surtout avec ses yeux, je trouve que la déception dans ses yeux, c'est terrible en fait, parce que son mari la déçoit, enfin, Ouais. la déçoit parce qu'il déçoit son fils, et on ressent vraiment. Toute la déception qu'elle a, et en fait tout l'amour qu'elle a pour cet homme, mais qui n'arrête pas de la décevoir, et du coup elle est dé enfin voilà, elle en peut plus quoi. Et franchement, c'est une bonne actrice, malheureusement je trouve qu'on lui laisse pas trop la place, enfin il y a beaucoup de place à Arnold Schwarzenegger, parce que voilà, c'est la star du film, clairement. Même Jake Lloyd, je le trouve Mais oui, plutôt bon, Jake Lloyd, il est bien, il est hein. plutôt Il est bon, bien. franchement, honnêtement. Mais c'est un bon acteur. Enfin, Ah oui, non, on mais comprend pas franchement. pourquoi les gens à l'époque lui ont. Non, mais ça, c'est parce que, voilà, Star les Star Wars, Wars, forcément. ça a déchaîné toutes les passions, et malheureusement, les personnes sont pas toujours très intelligentes. qui... Enfin bref, je sais pas, on va pas rentrer dans le débat sur le fandom Star Wars parce que sinon on n'est pas fini. Mais ouais, donc ouais, je le trouve touchant dans ce rôle d'enfant. Il me fait penser un peu à l'enfant dans Menteur Menteur, tu vois. Oh, je l'ai vu qu'une fois, j'ai pas Ah aimé oui, celui-là. désolé. Ceux qui l'ont vu comprendront la référence du coup. Et ouais, je le trouve plutôt touchant. Et le fait qu'il soit toujours déçu par son père, c'est aussi un aspect du film. Un aspect qui m'ont fait penser à Menteur Menteur. Un film dont peut-être je parlerai, même si je pense pas que c'est peut-être un plaisir coupable, mais. Non, non, non, non, non, Ouais, je lui. pense pas. J'en parlerai dans un podcast Movies Nerd, peut-être un jour. Du coup, ouais, ce film, je l'aime beaucoup. Voilà, il y a des super répliques, il y a du super moment. On s'amuse bien. Le film est pas trop long aussi, c'est ça qui est bien. Parce Non, ça que, coule direct, hein. voilà, je pense que s'il avait duré 2 heures, ça aurait pas été la même chose. Non, voilà. On se sent. Il savait aller à l'essentiel à l'époque, Voilà, hein. Il c'est faisait les ça. trucs, et puis voilà. C'est ça. Et franchement, c'est assez rare pour le souligner quand même, hein, des films de 1h30 de ces années-là. Voilà, c'est pas. Enfin, surtout à cette époque où il y avait de plus en plus de blockbusters, donc du coup, voilà, ils étiraient. Mais là, franchement, ouais, c'est un super moment à passer. C'est un très bon film de Noël. Et ben, on vous le conseille, hein, clairement. Si vous l'avez jamais vu, même si on vous a peut-être un peu spoilé un ou deux trucs, c'est pas les trucs les plus Oui, non, mais importants. C'est ça, plus une franchement. ambiance, c'est plus une. Voilà, et puis vous rigolerez à voir Schwarzy courir. enfin voilà, il me fait mourir de rire, Moi, Schwarzy. Schwarzy en Turboman qui fonce dans la fenêtre d'une famille catho, c'est génial. C'est génial. Prions le Seigneur. Jamie! Ça, Non, mais, enfin, vraiment, cette voix, non, elle me fait mourir de rire. Bref. Voilà. Ben, du bah du coup, coup, ouais. bah du coup, mais c'est-tu qu'on a fini? Bah ouais, on a fini, voilà. Déjà, oh. du coup. Ben on fait quoi du coup? Qu'est-ce qu'on fait? On parle un peu de nos vies, tout ça? Comment ça va le Covid? Ça va la famille? ça va, Tranquille? Bon, tranquille. bah super, super, super, Ça, super. Tu vas te faire vacciner ou pas? Parlons des sujets qui fâchent maintenant. Le vaccin pour ou contre? Bah, honnêtement, pour, mais bon, je Ah, vois pas qu'on est là non. pour ça. Mais non, mais on verra quand ce sera le cas. Non mais Ouais, voilà. Non bref. non mais c'est vrai que l'émission est courte, mais de toute façon c'est ce que je voulais. Hein. De toute façon, je voulais une C'est ce qui émission était que. prévu. De toute façon, vous Ouais avez. c'est ce qui est C'est ce prévu. qui est Voilà. prévu pour ce genre d'émission. On Je sera voulais peut-être pas un plus peu. d'une heure. Ouais. Là on est à 50, bientôt 55 minutes. Ouais. Donc voilà. Ouais. Et Donc on va puis, pouvoir je voulais se dire, retrouver on pour sera la. peut-être un peu plus long quand il y aura des invités. Mais Oui oui oui oui oui. voilà, là, on est juste entre nous, tranquille. C'est parfait. D'ailleurs si tout va bien, le prochain invité, pour ne pas le nommer, ce sera Clément. Voilà, j'espère qu'il viendra. Oui, bah oui. Voilà, et on aura peut-être un jour, Non, puisque tu veux j'ai eu l'annoncer? vent. Non, je ne vais pas Non, l'annoncer, mais je veux juste ouais. dire qu'on aura peut-être un invité prestigieux Ouais. dans le YouTube Game. Voilà, qui Voilà. est On un gars que j'adore. dit Voilà. juste ça. Voilà, c'est pas. On va pas Voilà. annoncer toutes les surprises tout de suite. Hein, Et voilà. d'ailleurs, merci à lui pour son soutien. Il va se reconnaître. Vraiment, merci à lui parce que d'avoir le soutien d'un youtubeur qui a autant de poids, qui est là à défendre voilà les petits podcasteurs et qui font leur truc dans leur coin, bah, je trouve ça vachement sympa et ça met du baume au cœur. Voilà, on avait besoin de ça. Donc, monsieur, voilà, bisous. Il se reconnaîtra. Du coup, je fais le rappel de où on peut nous retrouver rapidement. Bah oui, Comme vas-y, où est-ce ça, qu'on peut te ouais. retrouver, toi? Vas-y. Moi, on peut me retrouver ben, sur Twitter, sur Movies Nerd, sur Sens Critique, et c'est TheLexal, THELEXAL. Voilà. Parce qu'on va faire des sondages pour les podcasts, Oui, les voilà. films dont Donc, on il a faut parlé surtout. aujourd'hui. Donc je vous invite à nous suivre sur Twitter, donc c'est @podcastjmc. Voilà, vous retrouverez tous ces liens dans l'article de cet épisode, voilà, sur le site Movies Nerd ou sur vos plateformes de streaming, voilà. Et moi, du coup, bah, on peut me retrouver sur Twitter, @CinéMorgan, M le maudit cinéphile. Parce que Voilà. j'ai vu Le Parrain. Enfin! Ouais. Voilà. Donc, bah, de toute façon, et là, pour le coup, on vous promet qu'on revient au mois de janvier. On fera une émission par mois, comme c'était prévu à la base. Voilà. Donc, n'hésitez pas à dire vos commentaires, évidemment. Hein. Ce n'est que la deuxième. Il y a encore des choses, moi-même, je le sais. Hein. Là, il y a des trucs, je me dis, ah, là, j'aurais peut-être pas dû faire ça, Oh, dire ça. non, Mais c'est mais pas grave. grave, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Exactement. De toute façon. Voilà. Juste une dernière info avant de passer à la toute fin. Vous pouvez écouter cette émission sur plusieurs plateformes de podcasting, donc Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur Apple Podcast parce que ça nous permet de monter dans les classements et de nous faire connaître par plus de gens. Et aussi sur YouTube, on est sur YouTube, sur la chaîne Movies Nerd, voilà. Et bah du coup, bah comme à chaque fin de, bah comme la précédente émission, on va finir par un plaisir coupable musical. Voilà. Donc, et ça... durant la première émission, c'était moi qui avais choisi de régaler vos tympans. Et là du coup, ça va être à Axel ouais. de le faire. Donc je te laisse présenter le petit oui. morceau que tu as choisi voilà. en rapport avec Noël. Ouais, je suppose. Bah oui, j'étais obligé. À la base, je voulais pas. Enfin, à la base, j'avais pas prévu ça, mais j'étais obligé puisqu'on a fait une émission spéciale Noël. Autant finir sur les chapeaux de roue. Du coup, bah j'ai prévu, bon c'est peut-être pas un plaisir coupable parce que c'est quand même une chanson qu'on entend pas mal, mais peut-être que vous en avez un peu marre, donc bon, je vous en remets une couche. C'est All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey, évidemment. Voilà, chanson plutôt culte. Voilà, bah, c'est tout ce qu'on voulait vous dire. Et puis on vous... Bah, c'est une chanson que je déteste. Tu elle me sort par les okay. oreilles maintenant. Bah, je l'ai ouais. trop entendu en ouais, fait. Le truc, c'est le problème quoi. Après, j'ai dû me dépêcher de trouver une chanson. J'aurais peut-être trouvé un peu mieux. Mais bon, la prochaine fois, je vous décevrai pas. Il n'y a pas de souci. Et puis bah, on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Salut. Portez-vous bien. Et puis bonne fête surtout. Oui, bonne hein. fête. Et faites attention à vous, c'est important. Hein ouais. On le dit. Bonne fête. Bonne ciao fête, tout ciao. Le monde. Don't want a lot for Christmas.